Les Hauts de Hurlevent, d'Emily Brontë. Cinquième épisode. Chaque soir, j'attendais avec impatience que Mrs. Dean, ma femme de charge, continue le récit de la vie de mon propriétaire, Mr. Heathcliff. Elle m'avait appris qu'après 3 ans d'absence, il était revenu à Hurlevent cohabiter avec son pire ennemi, Hindley, qu'il payait pour sa charge. Il se mit alors à fréquenter le manoir des Linton, où vivaient désormais Catherine, qui avait épousé Edgar, et Isabelle, la sœur de ce dernier. Isabelle tomba éperdument amoureuse de celui dont elle se souvenait à peine et qui était devenu un homme à l'allure élégante. Mais Catherine en conçut une colère passionnée qui ne dut pas point son mari. Il voulut interdire sa maison à Heathcliff, ce qui redoubla la colère de Catherine. Il lui demanda alors de choisir entre son mari et son ami. La scène tourna au drame et Heathcliff, menacé physiquement, fut obligé de quitter les lieux. Catherine, déchirée entre ces deux hommes, fut terrassée et tomba malade au point que l'on craignit pour sa raison. La description que je fis au docteur Kenneth des symptômes dont souffrait Catherine Linton l'incita à m'accompagner immédiatement. En chemin, il me révéla que le bruit courait qu'on avait aperçu, à 2 miles de Gimmerton, Miss Isabelle accompagnée de Mr. Heathcliff, cheminant tous deux à cheval. Ces paroles, Mr. Lockwood, furent malheureusement confirmées quand, à notre retour, nous trouvâmes la chambre d'Isabelle vide. Edgar Linton, déjà accablé par la maladie de sa femme, reçut ce second coup avec froideur. Elle est partie de son propre gré. Elle a le droit d'aller où il lui plaît. Mais elle n'est plus ma sœur que de nom, désormais. Non que je la désavoue, c'est elle qui m'a désavoué. Les fugitifs restèrent absents 2 mois, pendant lesquels Mrs. Linton surmonta le pire accès d'une fièvre cérébrale. Nulle mère n'aurait pu soigner son unique enfant avec plus de dévouement qu'Edgar ne lui en montra. Jour et nuit, il veillait, endurant patiemment toutes les vexations que pouvaient infliger des nerfs irritables et une raison ébranlée, et sa gratitude et sa joie ne connurent pas de bornes quand Catherine fut déclarée hors de danger. Elle quitta sa chambre pour la première fois au début du mois de mars suivant. Mr. Linton avait posé sur son oreiller, au matin, une poignée de crocus dorés. Son regard, étranger depuis longtemps à toute lueur de plaisir, les rencontra au réveil et eut un éclair ravi tandis qu'elle les rassemblait avec empressement. Ce sont les toutes premières fleurs à Hurlevent. Elles me rappellent les tièdes brises du dégel, le chaud soleil et la neige presque fondue. Edgar, le vent ne souffle-t-il pas du sud et la neige n'a-t-elle pas disparu presque toute? La neige a tout à fait disparu d'ici, ma chérie. Le ciel est bleu, les alouettes chantent, tous les ruisseaux et les torrents coulent à plein bord. Catherine, au printemps dernier, à pareille époque, j'aspirais à vous avoir sous ce toit. À présent, je voudrais vous voir à 1 mile ou 2 sur ces collines. L'air y est si doux qu'il vous guérirait, je le sens. Je n'irai plus là-bas qu'une seule fois. Et cette fois-là, vous m'y laisserez, et j'y resterai pour toujours. Et jetant sur les fleurs un regard vague, elle laissa les larmes ruisseler sur ses joues sans qu'elle y prît garde. Allez préparer du feu, Nelly, s'il vous plaît. Ainsi que quelque chose de confortable près de la fenêtre, qu'elle puisse s'allonger. Ah, je me disais qu'elle retrouverait peut-être la santé. Et il y avait lieu de le souhaiter doublement, car de son existence en dépendait une autre. Nous nourrissions l'espoir que, dans peu de temps, Mr. Linton aurait le cœur réjoui et verrait ses terres soustraites à la griffe d'un étranger par la naissance d'un héritier. Je dois relater aussi, Mr. Lockwood, qu'Isabelle envoya à son frère, quelques 6 semaines après son départ, un court billet annonçant son mariage avec Heathcliff. Billet apparemment sec et froid, mais en bas était ajouté au crayon d'obscures excuses et la prière qu'il se réconciliât avec elle si sa conduite l'avait offensée. Linton ne lui répondit pas et 15 jours plus tard, je reçus une longue lettre qui me parut étrange venant de la plume d'une jeune mariée qui sortait à peine de sa lune de miel. Mais je vais vous la lire, car je l'ai gardée. Chère Nelly, je suis arrivée hier soir à Hurlevent et j'ai appris que Catherine est encore très malade. Je suppose que je ne dois pas lui écrire et que mon frère est soit trop fâché, soit trop en détresse pour répondre à la lettre que je lui ai envoyée. Il faut pourtant que j'écrive à quelqu'un et je n'ai pas d'autre choix que de m'adresser à vous. Dites à Edgar que je donnerai tout au monde pour le revoir. Que mon cœur est revenu au manoir 24 heures après mon départ et qu'il s'y trouve en ce moment même, plein de tendresse pour lui et pour Catherine. Je ne peux cependant l'y suivre. Qu'ils ne m'y attendent pas et qu'ils tirent de ma conduite les conclusions qu'ils voudront pourvu qu'ils se gardent d'incriminer la faiblesse de ma volonté ou la déficience de mon affection. Je voudrais vous poser 2 questions. Tout d'abord, comment êtes-vous parvenu à conserver, quand vous habitiez ici, la sociabilité qui est le lot commun de la nature humaine? Je ne puis découvrir aucun sentiment à partager avec ceux qui m'entourent. La seconde question revêt un grand intérêt à mes yeux. Mr. Heathcliff est-il un homme? Si oui, est-il fou? Et sinon, est-ce un démon? Je vous supplie de m'expliquer, si vous le pouvez, quelle sorte d'être j'ai épousé. Cela, quand vous viendrez me voir, car il faut que vous veniez, Nelly, très prochainement. Vous allez apprendre maintenant comment j'ai été reçue dans ma nouvelle demeure, puisque c'est là, j'imagine, ce que doit être Hurlevent. Il faisait nuit quand nous mîmes pied à terre dans la cour pavée de la ferme et que votre vieux compagnon de service, Joseph, sortit pour nous recevoir à la lueur d'une chandelle. Joseph, échoue. Son premier geste fut d'élever sa lumière à la hauteur de mon visage et de se détourner. Heathcliff resta pour lui parler et j'entrai quant à moi dans la cuisine. Un trou noirâtre et mal tenu. Près du feu se tenait un enfant à l'air canaille et malproprement vêtu, avec quelque chose de Catherine dans la bouche et dans les yeux. Je le reconnus immédiatement. Bonjour Ayrton. Comment vas-tu? Serons-nous amis, toi et moi? Va-t'en, ou sinon je lâche tueur sur toi. Ici, tueur! Va-t'en, va-t'en, va-t'en! Si je tenais à la vie, il fallait que je cédasse. Je repassai le seuil, fis le tour de la cour, et gagnai une autre porte à laquelle je pris la liberté de frapper dans l'espoir que quelqu'un se montrerait. Après un bref délai, elle fut ouverte par un homme de haute taille, extrêmement négligé. Ses yeux, à lui aussi, étaient comme ceux d'une spectrale Catherine dont toute la beauté eut disparu. Que venez-vous faire ici? Qui êtes-vous? Mon nom était Isabelle Linton. Vous m'avez déjà rencontré, monsieur. J'ai épousé dernièrement Mr. Heathcliff et il m'a amené ici. Avec votre permission, je suppose. Il est donc revenu? Oui, Nous venons d'arriver, mais il m'a laissé près de la porte de la cuisine. Et quand j'ai voulu entrer, votre petit garçon a joué les sentinelles et m'a fait fuir en me menaçant d'un bulldog. Entrez. Le voyage m'a fatiguée et je voudrais aller me coucher. Où est la servante? Menez-moi vers elle puisqu'elle ne vient pas vers moi. Nous n'en avons pas. Il faudra vous servir vous-même. Où dois-je coucher alors? Joseph vous montrera la chambre de Heathcliff. Ayez la bonté de tirer le verrou derrière vous. N'y manquez pas. Soit. Mais pourquoi cela, Mr. Rancho? Regardez ce pistolet. C'est là une grande tentation pour un homme à bout, n'est-ce pas? Je peux pas m'empêcher de monter chaque nuit avec cette arme et d'essayer d'entrer chez lui. Si jamais je trouve sa porte ouverte, c'en est fait de lui. Que vous a fait Heathcliff? Quel tort a-t-il eu envers vous pour justifier cette effrayante haine? Ne serait-il pas plus sage de lui enjoindre de quitter la maison? Non! S'il fait mine de me quitter, c'est un homme mort. Persuadez-le de le tenter, vous êtes une meurtrière. Dois-je donc perdre tout? Sans avoir aucune chance de rien recouvrer? Ayrton doit-il être un mendiant? Oh, damnation! Je veux reprendre mon bien, et avoir son or aussi, et ensuite son sang. Et puis l'enfer aura son âme! Vous m'aviez rapporté, Nelly, les habitudes de votre ancien maître. Il est évidemment au bord de la folie. Du moins, y était-il la nuit dernière. Il reprit sa marche taciturne, et moi, soulevant le loquet, je me sauvai dans la cuisine. Joseph était penché sur le feu, surveillant un grand poêlon qui se balançait au-dessus, et un bol plein de farine d'avoine était posé sur le banc à côté. Laissez-moi faire, Joseph. Je vais m'occuper du porridge. Doux seigneur. Tu dois maintenant avoir une maîtresse sous le dos, c'est bien le temps de déguerpir. Ah, je pensais au point avoir jamais le jour où qu'il me faudrait quitter ce vieux logis, mais j'ai l'idée que le v'là ben proche. T'as vu ça, Ayrton? T'as un point de porridge ce soir. Rien que des grumeaux gros comme ma poigne. C'était en effet un brouet assez grossier, je l'avoue, une fois versé dans les écuelles. Verse donc ton lait dans la tasse, Ayrton. Je ne pourrais pas goûter un liquide qui a été traité aussi malproprement. Oh, le petit gars vous vaut au bain. Vous êtes aussi sain que vous des pieds à la tête. Je prendrai mon souper dans une autre pièce. N'avez-vous pas un endroit que vous appelez un salon? Un salon? Un salon? Nenny, il n'y a point de salon ici. Si notre compagnie vous plaît point, ben il y a celle du maître. Et puis si celle du maître vous plaît point, eh ben il y a la nôtre. Alors je monterai au premier. Montrez-moi une chambre. Une chambre, elle est bien assez bonne pour qu'on y mange un peu de brouet. Voyons, ce n'est pas là un endroit pour dormir. Je veux voir ma chambre à coucher. Mr. Heathcliff ne loge pas sous les combles, je suppose. C'est celle de Mr. Heathcliff, vous voulez? Vous ne pouviez pas le dire tout de suite? Vous auriez dit, si on prend toute cette peine, c'est tout justement celle que vous pouvez point voir, vu qu'il la tient toujours bouclée et que personne n'y vient jamais. sauf lui. Pour l'amour du ciel, Joseph, faites vite que je m'installe enfin quelque part. Oh, je te lâche entre la fin des fins. Il y a de la place pour votre orgueil dans la salle à cette heure. Il est vide. Vous pouvez l'avoir tout entier, rien que pour vous. C'est avec joie que je profitais de cet avis. Et à l'instant même où je me jetais dans un fauteuil au coin du feu, ma tête s'inclina et je m'endormis. Mon sommeil fut profond et doux, bien que trop vite interrompu. Heathcliff me réveilla en sursaut. Qu'est-ce que vous faites ici, à cette heure, Isabelle ? Si j'éveillais si tard, c'est parce que vous avez la clé de notre chambre dans votre poche. Notre ? Ce n'est pas, et ce ne sera jamais votre chambre. Vous entendez ? Jamais ! Sortez ! Sortez, espèce de traînée ! Chère Nelly, je vous assure qu'un tigre ou un serpent venimeux ne pourrait me causer autant de terreur que celle que Mr. Heathcliff éveille en moi. Il m'a parlé de la maladie de Catherine, accusant mon frère de l'avoir provoquée et promettant de me faire souffrir à la place d'Edgar jusqu'à ce qu'il puisse mettre la main sur lui. Je le hais. Je suis bien malheureuse. J'ai été folle. Gardez-vous de souffler un mot de ceci à quiconque au manoir. Je vous attendrai chaque jour. Ne me décevez pas. Isabelle. Dès que j'eus achevé cette épître, j'allais trouver le maître pour lui apprendre que sa sœur était arrivée à Hurlevent et qu'elle souhaitait qu'il voulût bien lui faire parvenir aussi tôt que possible, par mon entremise, un gage de pardon. De pardon ? Je n'ai rien à lui pardonner, Nelly. Vous pouvez aller à Hurlevent cet après-midi si vous voulez et lui dire que je ne suis pas fâché contre elle, mais peiné de l'avoir perdue. Il ne saurait être question toutefois que j'aille la voir. Et si elle désire vraiment m'obliger, qu'elle persuade le démon qu'elle a épousé de quitter le pays. Je peux dire qu'à Hurlevent, Isabelle me guettait depuis le matin. Je la vis qui regardait à la fenêtre tandis que je remontais l'allée du jardin. J'entrais sans frapper. Rien de plus affreux, de plus lugubre que l'aspect de cette pièce autrefois si riante. La jeune dame était déjà imprégnée de l'esprit de négligence qui l'environnait. Son joli visage était blafard et apathique. Ses cheveux défrisés. Quelques mèches pendaient lamentablement sur son front. Nelly ? Comment allez-vous ? Mais prenez un siège, je vous en prie. Alors, Nelly, donnez-moi ce que vous m'avez apporté. Si vous avez quoi que ce soit pour Isabelle, donnez-le lui. Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre. Oh, je n'ai rien. Mon maître m'a chargé de dire à sa sœur qu'elle ne devait attendre de lui pour le présent ni lettre ni visite. Il considère que sa maison et cette maison-ci doivent suspendre désormais leurs relations, car il n'en saurait rien résulter de bon. Comment va Catherine, Nelly ? Mrs. Linton vient juste d'entrer en convalescence. Elle ne sera plus jamais ce qu'elle a été, mais sa vie est sauve. Et si vous avez vraiment de l'affection pour elle, vous éviterez de vous retrouver sur son chemin, bien plus. Vous quitterez tout à fait le pays. Sa physionomie est considérablement changée. Son caractère bien plus encore. Et celui qui est contraint par la nécessité d'être son compagnon n'aura désormais pour soutenir son affection que sa simple humanité, son sentiment du devoir et le souvenir de ce qu'elle fut jadis. Et vous figurez-vous que je vais abandonner Catherine au devoir et à l'humanité de votre maître ? Pouvez-vous comparer mes sentiments à l'égard de Catherine aux siens ? Avant que vous ne quittiez cette maison, il faut que j'obtienne de vous la promesse que vous me ménagerez une entrevue avec elle. Je veux la voir. Qu'en dites-vous ? Je dis, Mr. Heathcliff, qu'une nouvelle rencontre entre vous et le maître achèverait de la tuer. Et puis, elle vous a presque oublié. Alors à quoi bon vous imposer à son souvenir ? Vous croyez qu'elle m'a presque oublié ? Oh, Nelly, vous savez bien que non. Vous savez aussi bien que moi que pour une pensée qu'elle accorde à Linton, elle m'en accorde 1000 à moi. J'ai été un sot d'imaginer un moment qu'elle attachait plus de prix à l'affection d'Edgar Linton qu'à la mienne. Quand il l'aimerait de toutes les forces de son être chétif, il ne pourrait l'aimer autant en 80 ans que moi, en un jour! C'est à peine s'il lui est plus cher que son chien ou que son cheval. Il n'est pas en son pouvoir d'être aimé comme moi. Comment pourrait-elle aimer en lui ce qu'il n'a pas? Catherine et Edgar sont aussi attachés l'un à l'autre que cela est possible à deux êtres. Personne n'a le droit de parler ainsi et je ne laisserai pas dénigrer mon frère sans rien dire. Votre frère vous est aussi prodigieusement attaché, n'est-ce pas? Il vous envoie promener au diable avec un empressement remarquable. Il ne sait pas que je souffre. Ma jeune dame paraît avoir tristement pâti de son changement de condition. Il est clair que l'affection de quelqu'un lui fait défaut. De qui? Je peux le deviner. J'ai idée, moi, que c'est celle qu'elle se porte à elle-même. Elle dégénère jusqu'à devenir une vraie souillon. Elle se lasse étonnamment tôt de chercher à me plaire. Vous auriez peine à le croire, Nelly, mais le lendemain même de notre mariage, elle pleurait pour rentrer chez elle. Monsieur, vous devez traiter Mrs. Heathcliff avec plus de bonté. Quoi que vous pensiez de Mr. Edgar, vous ne pouvez douter qu'elle, du moins, ne soit capable d'un attachement profond. Sans quoi elle n'eût pas abandonné son ancien chez-soi pour s'établir avec vous de son plein gré dans un pareil désert. Elle l'a abandonné par illusion, voyant en moi un héros de roman et attendant des complaisances sans limite de ma chevaleresque dévotion. Mais je crois qu'elle commence enfin à me connaître. Il lui a fallu faire un prodigieux effort de perspicacité pour découvrir que je ne l'aimais pas. En tout cas, elle ne peut pas m'accuser d'avoir simulé la plus petite marque de tendresse. Dites à votre maître, Nelly, que de ma vie, je n'ai rencontré créature aussi abjecte. Elle déshonore jusqu'au nom de Linton. Et c'est parfois par simple manque d'invention que j'ai dû arrêter mes expériences pour voir ce qu'elle pourrait endurer en continuant à ramper honteusement à mes pieds. Mais si elle désirait s'en aller, elle le pourrait. L'ennui que me cause sa présence l'emporte sur la satisfaction que je puis avoir à la tourmenter. Vous n'êtes pas ensorcelée, madame, je suppose, au point de rester avec lui de votre propre gré. Prenez garde, Nelly. Ne croyez pas un seul mot de ce qu'il dit. C'est un démon plein de mensonges, un monstre et non un être humain. Je me suis déjà entendu dire que je pouvais le quitter. J'en ai fait la tentative et je n'ose pas la répéter. J'espère seulement, je le demande dans mes prières, qu'il oubliera sa prudence diabolique et qu'il me tuera. Le seul plaisir que je puisse concevoir est de mourir ou de le voir mort. Bien. Cela suffit pour le moment. Si vous veniez à être cité devant un tribunal, Nelly, vous vous rappellerez son langage. Et regardez bien sa mine. Il en est presque arrivé au point qui me satisferait. Non, vous n'êtes pas en état de vous garder vous-même à présent, Isabelle. Et moi, en tant que votre protecteur légal, je dois vous tenir sous ma surveillance. Quelque désagréable que soit cette obligation. Montez! J'ai quelque chose à dire à Mrs. Dean en privé. Pas par là! Par là-haut! Je suis sans pitié. Plus les vers se tordent, plus j'ai envie de leur écraser les entrailles. C'est une rage de dents morale. Et je les broie avec d'autant plus d'énergie que la douleur est vive. Est-ce que vous comprenez, Mr. Heathcliff, ce que veut dire le mot pitié? En avez-vous jamais ressenti aucune trace dans votre vie? Posez votre chapeau, Nelly. Vous ne partez pas encore. Que je vous en persuade ou que je vous y force, il faut que vous m'aidiez à voir Catherine. Et cela sans délai. Je jure que je ne médite rien de mal. La nuit dernière, je suis resté 6 heures dans le jardin du manoir et j'y retournerai cette nuit. Et je hanterai les lieux nuit et jour jusqu'à ce que je trouve l'occasion d'entrer. Cela serait si facile pour vous. Je vous préviendrai de ma venue. Vous me feriez entrer en cachette dès qu'elle serait seule et vous monteriez la garde jusqu'à mon départ, la conscience parfaitement en repos, car vous empêcheriez par là un malheur. Monsieur, je refuse de jouer un rôle aussi perfide dans la maison de mon maître. Quelle cruauté! Quel égoïsme vous font ainsi ruiner la paix de Mrs. Linton pour votre propre satisfaction. Je suis sûre qu'elle ne supporterait pas le choc de la surprise. N'insistez pas, monsieur. Ou bien je serai obligée d'informer mon maître de vos desseins. En ce cas, c'est moi qui prendrai des mesures pour m'assurer de vous. Vous ne quitterez pas Hurlevent avant demain matin. Vous dites que Catherine a l'esprit dérangé. Comment diable pourrait-il en être autrement dans l'effroyable isolement où elle se trouve? Et cette insipide, cette mesquine créature qui la soigne par devoir et humanité, il pourrait aussi bien planter un chêne dans un pot de fleurs et espérer qu'il grandisse plutôt que d'imaginer qu'il va lui rendre la santé en l'entourant de ses soins dérisoires. Réglons les choses à l'instant. Voulez-vous rester ici? Ou dois-je me frayer un chemin jusqu'à Catherine en me battant avec Linton et ses valets? Ou voulez-vous faire ce que je vous demande? Décidez-vous. Eh bien, Mr. Lockwood, je refusais net 50 fois, mais en fin de compte, Heathcliff me força à donner mon accord. Je m'engageais à porter une lettre de lui à ma maîtresse. Et si elle était consentante, je lui promis de l'avertir la prochaine fois que Linton s'absenterait, afin qu'il pût venir et se glisser dans la maison. Je fis le trajet de retour plus tristement que celui de l'aller. Et j'eus bien des hésitations avant de pouvoir me décider à remettre la lettre à Mrs. Linton. Les Hauts de Hurlevent, d'Émilie Brontë. Traduction, Pierre Léris. Adaptation, Juliette Eman. Cinquième épisode. Avec Clotilde Mollet, Mrs. Dean. Guillaume Durieux, Heathcliff. Laurent Cléry, Lockwood. Jean-Claude Frissung, Joseph. Arnaud Aldiger, Edgar Linton. Audrey Bonnet, Cathy, Mélissa Barbeau, Isabelle, Clément Bresson, Hindley, Albert González Gelot, Ayrton Enfant. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Bruitage, Sophie Bissens. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Violoncelle, Elena Andreyev. Prise de son, montage et mixage, Antoine Vieussa, Bernard Laniel et Élise Le. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Juliette Eman. Hurlevent Démon est publié aux éditions Flammarion.